Vous êtes algérien? Vous savez, moi, les races, les religions, je m'en bats les couilles. Plus de racines. Mais c'est quoi les racines? Nos pères viennent de là-bas. Nous, on est nés en France. On y a grandi. On va en vacances là-bas, à l'école ici. Moi, les frontières, voilà. Avec l'argent qui vous intéresse. Exactement. Tu crois, tu crois que c'est par plaisir que je veux le monopole de la merde? Non, c'est juste pour que le soleil, je puisse emmener ma mère. Ben ouais, c'est pour ça que je joue avec la maille, pour dire un jour, allez maman, viens, on se taille. Ce serait pas pareil si j'aurais le monopole. On serait au Caraïbe en train de faire du jet ski avec mes potes. Je veux pas une fortune de dealer, mais celle de Jay-Z. Et voir mon putain de blast comme marque de blue jean. Pour qu'entrevue écrive que j'ai baisé la Beckham. Et qu'Angelina fasse des striptease à ma webcam. En train de me faire masser par des Thaïlandaises en sirotant un putain de beau rhum du Cuba à la fraise. Mes soldats fumeraient de la peu importe des Jamaïques. Pour être tranquille, ben moi, je paierai les flics. Je roulerai sur les haters avec mon humeur. Pour que mes refrains soient baqués par Tina Turner. C'est le monopole qui me rend dingue, dingue, dingue. C'est le monopole qui fait sortir le flingue. C'est le monopole qui fait marcher mon cerveau. Nique sa mère le monde, moi je préfère avoir les euros. C'est le monopole qui me rend dingue, dingue, dingue. C'est le monopole qui fait sortir le flingue. C'est le monopole qui fait marcher mon cerveau. Nique sa mère le monde, moi je préfère avoir les euros. Quitter l'appart pour une putain de villa. Je suis sûr que toi aussi t'en rêves de cette villa. Canardo à la prod, j'kick à la founi. J'fais mes étés à Saint-Trope, mais y verra Miami. Qui va me dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Toi tu parles mais tu fais la queue à Manpower. Pour 1 million d'euros, dis-moi je qui prendrais pas de risque. Si l'argent c'est le diable, j'suis sûrement sataniste. J'aurais troqué mon 3310 contre un iPhone. Dans ta caisse mec, c'est ma voix qui résonne. Ta meuf fantasserait sur moi mais ma team. Avec le budget Chelsea, j'm'en bats les couilles de ta bitch. C'est le monopole qui me rend dingue, dingue, dingue. C'est le monopole qui fait sortir le flingue. C'est le monopole qui fait marcher mon cerveau. Nique sa mère le monde, moi je préfère avoir les euros. On y va, on ramasse et on rentre se coucher au pénin. Si tu vois les affaires qui nous ramènent, 5 milliards. 5 milliards, ça te dit quelque chose? 5 milliards. Bah oui, 5 milliards. Pas le crâne de smicard.